Section 6 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 2, première partie, 1328-1380. Première sous-partie, règne de Philippe VI. Par Alfred Coville. La France et la guerre de Cent Ans. La France a traversé, au XIVe siècle et dans la première moitié du XVe, une série de crises terribles où sa royauté nationale, où son indépendance même, ont été plusieurs fois en danger de périr. Ces crises sont toutes nées de la guerre avec l'Angleterre, et comme elles ont occupé plus d'un siècle de notre histoire, on leur donne en général le nom de guerre de Cent Ans. Cette guerre de Cent Ans n'est pas seulement une suite de campagnes, de batailles, de sièges, de trêves, avec cette particularité qu'un triomphe décisif a couronné une série de revers inouïs. Ce fut, pour ainsi dire, une longue et douloureuse maladie de croissance, moment capital dans la vie de la France, d'où la royauté, d'où la France sont sorties délivrées, transformées. Une situation étrange, qui avait déjà troublé deux siècles de l'histoire du royaume, s'était maintenue jusque-là. Le roi avait parmi ses vassaux un autre roi, son rival, possesseur de très grands et très riches fiefs. Au bout d'un siècle de lutte, la puissance des rois anglais en France aura disparu. Tout le passé sera liquidé. La monarchie était indécise encore. Si forte qu'elle fût déjà, on aurait pu se demander, au début du XIVe siècle, ce que deviendrait près d'elle le Parlement ou les États généraux. C'est la guerre de Cent Ans qui l'a mise définitivement hors page. Si longue qu'aient été ses misères, elle a eu le grand bonheur de ne pas succomber, de vivre. Elle est sortie de là toute prête à être la vraie monarchie absolue des temps modernes. Enfin, jusque-là, la France n'avait encore que bien confusément pris connaissance d'elle-même. La présence constante de l'étranger, ses ravages, sa prétention à s'installer sur le sol français ont vraiment fait naître le sentiment national, source de cet esprit d'unité et de solidarité que représente le mot de patrie. Ainsi comprise, la guerre de Cent Ans n'est plus une simple guerre, mais une longue évolution et une des plus importantes de notre histoire. Les origines de la guerre, l'avènement des Valois. Comment, entre ces deux puissances, France et Angleterre, est née cette nouvelle guerre? C'est en vain que Louis IX avait fait le rêve d'effacer les haines anciennes. Après le traité de 1259, qui laissait aux Plantagenêts dans la mouvance de France la Guyenne, partie de la Genêt, du Périgord, du Limousin, de la Saintonge, mais qui stipulait pour la première fois dans une convention écrite l'hommage féodal, le Saint-Roi disait bonnement « Et la terre que je donne au roi d'Angleterre, je ne la donne pas comme chose dont je sois tenu à lui ou à ses ouaires, mais pour mettre amour entre mes enfants et les siens, qui sont cousins germains. » C'était une illusion. Plus les liens féodaux devenaient étroits entre vassal-roi et suzerain-roi, plus les haines devaient grandir, les conflits se multipliaient. On le vit bien sous Philippe le Bel. À la fin du siècle, le traité de Montreuil, conclu en 1299, n'assura pas mieux la paix. Il ne fit qu'ajouter de nouvelles causes à cette lutte sans fin. Ce fut lui qui stipula le mariage d'Isabelle, fille du roi de France, avec le futur Édouard II, mariage qui constitua les droits d'Édouard III et permit au roi anglais de porter pendant des siècles le titre prestigieux de roi de France. Le passé annonçait la guerre, le présent la donna. Le fait précis qui amena le conflit fut l'arrivée au trône de France d'une branche collatérale de la maison capétienne. Le 1er février 1328, Charles le Bel mourait sans enfant. Mais la reine, Jeanne d'Évreux, était enceinte. Qui donc aurait la régence? Et si l'enfant attendu était une fille, qui donc aurait le royaume? Les barons et les nobles furent assemblés pour régler la première question, qui préjugeait la seconde. Il y eut discussion très vive. Le plus proche héritier mâle de la descendance mâle était Philippe de Valois, petit-fils de Philippe le Hardi, cousin germain du feu roi. Le plus proche héritier mâle dans la descendance féminine était Édouard III, neveu du feu roi par sa mère Isabelle de France. Édouard III était représenté à l'Assemblée par plusieurs docteurs en droit, canons et civils. Ses prétentions n'étaient pas soutenables. Si l'on acceptait la parenté féminine, les droits de la fille de Louis X, mariée à Philippe d'Évreux, devaient être supérieurs. Ils n'en furent pas moins écartés. Les barons opposèrent aux représentants du roi d'Angleterre que la coutume de France toute commune est que femme ne succède pas au royaume de France. C'est ce qu'on a appelé la loi salique. Philippe de Valois fut déclaré régent du royaume de France. Le 1er avril, la reine veuve accoucha d'une fille. Cette fois, il fallait un roi. De l'avis des barons, la couronne fleur-de-lysée fut transmise à celui que ses droits avaient déjà fait régent. Le jour de la Trinité, 29 mai, Philippe de Valois fut couronné à Reims sous le nom de Philippe VI. Tel fut le point de départ des prétentions des rois d'Angleterre au pouvoir et au titre de roi de France. Si vivace dans l'histoire qu'au XVIIIe siècle, Georges Ier se considérait encore comme l'héritier des Capétiens directs. Édouard III mit d'abord en réserve ses droits méconnus. Requis de prêter l'hommage, après une courte hésitation, il vint à Amiens, août 1329. Le vassal prêta sans difficulté l'hommage simple, de bouche et de parole, tant seulement sans les mains mettre dans les mains du roi de France. Il se réservait pour l'hommage lige. Il voulait vérifier ses obligations, examiner les privilèges de jadis qu'il conservait à Londres. Tout un hiver s'écoula avant qu'Édouard III eût éclairci et fixé ses obligations. Déjà autour de lui, on l'excitait à la résistance et même à la revendication de la couronne de France. Plus sage, il céda. Le 6 juin 1330 et le 30 mai 1331, il signa des lettres patentes scellées de son grand sceau, par lesquelles il se reconnaissait pour l'homme lige du roi de France. Philippe VI fit porter ses précieuses lettres à sa chancellerie et mettre en garde avec ses plus spéciales choses à la coutelle du temps à venir. C'était encore la paix, mais la paix sans amitié, sans confiance. Philippe VI en Flandre. La Flandre, au contraire, attira tout aussitôt les armes du nouveau roi de France. Là, les communes ne cessaient de grandir en audace et en exigence. Elle s'était emparée de leur compte, elle avait enfermé dans la halle aux épices de Bruges, juin 1325. Sa délivrance, la conclusion du traité d'Arc l'année suivante, n'avait qu'imparfaitement résolu les difficultés et calmé les rancunes. Louis de Nevers n'était pas plus maître dans son comté qu'auparavant, et ne pouvait s'y résigner. Il attendait sa vengeance. Au sacre de Philippe VI, il refusa de recevoir le titre de comte de Flandre parce qu'il n'en possédait point l'autorité. Par l'huile sainte dont il venait de recevoir l'onction, le roi jura sur le champ de rétablir son vassal dans son comté. Ce qu'il avait juré, en dépit des conseils, il l'exécuta sans tarder. Le sacre avait eu lieu le 29 avril 1328. L'armée fut convoquée à Arras pour le 22 juillet. On y vit 176 bannières. Au mois d'août, la Flandre était envahie. Les chevaliers de France et de Hainaut restèrent 3 jours devant la montagne de Cassel, occupés par Zennequin et Janson, qui attendaient, immobiles, les renforts de Bruges. Le 23 août, cependant, les Flamands eurent l'imprudence d'attaquer avant d'avoir fait cette jonction. Ils entrèrent dans le camp français jusqu'à la tente du roi. Là, ils furent entourés, écrasés. Environ 15 000 furent massacrés. Les villes épouvantées ouvrirent leurs portes. Cassel, Ypres, Bruges. Content de sa victoire, le roi repartit, laissant au comte le soin d'en assurer les effets. « Je vous rends votre terre acquise et en paix, lui dit-il. Or, faites tant que justice y soit gardée, et que par votre défaut, il ne faille pas que plus revienne. Car si j'y revenais plus, ce serait à mon profit et à votre dommage. Le comte, pour éviter ce retour, fit en 3 mois exécuter 10 000 flamands et ruina les privilèges des villes et des métiers, sauf à Gand. Ainsi, il sema la haine. Ni lui, ni le roi de France, moins de 10 ans après, ne devaient avoir à se louer d'une telle victoire. Au reste, ce n'était là qu'un intermède. Robert d'Artois et Édouard III. L'homme du monde, dit Froissart, qui plus aida le roi de France à parvenir à la couronne de France, ce fut messire Robert d'Artois, qui était l'un des plus hauts barons de France. Ce fut même ce baron qui, quelques années après, excita violemment Édouard III à faire enfin valoir ses prétentions et à déposséder Philippe VI. Avant d'en arriver là, Robert d'Artois subit des amertumes sans fin. Petit-fils de Saint-Louis, il n'avait point succédé à son père dans l'apanage de la branche des fleurs de lys qu'il représentait. L'Artois avait été donné à la comtesse Mao, sa tante. 2 fois il l'avait réclamé, 2 fois la cour des pairs l'avait repoussé. Enhardi par l'avènement de Philippe VI, dont il avait épousé la sœur, il se laissa entraîner, par une bande d'intrigants, à toutes sortes de pratiques mystérieuses et criminelles. À la cour solennelle d'Amiens, Robert d'Artois, avec l'aide du célèbre jurisconsulte Guillaume de Breuil, demanda encore une fois justice de la spoliation dont il se croyait victime. Le roi ordonna une enquête. 55 témoins subornés affirmèrent avoir vu des titres, longtemps dissimulés et oubliés, qui établissaient les droits repoussés jusqu'alors. Le procès en restitution fut aussitôt ouvert. Il fallait présenter ces titres qui n'existaient pas. On les fabriqua avec des lacs de soie et des sceaux détachés des chartes anciennes. Robert ne fut pas l'inventeur, mais le complice de ces fraudes. Par une coïncidence étrange, Mao d'Artois et sa fille héritière Jeanne de Bourgogne moururent subitement. Le roi de France fut averti. Appelé devant lui, tandis que les autres coupables avouaient, Robert d'Artois s'obstina à soutenir l'authenticité du faux. Le 23 mars 1330, l'affaire vint au Parlement. Robert, après avoir vainement jeté son gant en gage de bataille, fut confondu. L'abbé de Cluny détacha publiquement les sceaux recollés et le roi lui-même lacéra les actes faux. Le coupable s'enfuit le lendemain. Dans une cour plénière tenue au Louvre, devant 2 rois, les princes du sang, les pairs, Philippe VI le déclara banni et forfait. Montjoie, héros d'armes de France, déchira l'écusson aux armes du comte, tandis que le roi cachait sa figure dans ses mains. En 1334, après diverses aventures, Robert d'Artois arriva à la cour d'Angleterre, où il fut reçu à grand honneur comme un parent et comme une victime. Il dit à Édouard III, « Monseigneur, toute mon espérance est en Dieu et en vous, et me confesse qu'à tort et à péché, je consentis à votre déshéritement et fis en partie celui roi du noble royaume de France qui nul gré ne m'en sait, et pas ni à si grand droit comme vous avez. » Et depuis, ce fut une obsession. À Windsor, comme sur la frontière d'Écosse, messire Robert d'Artois ne cessait nuit et jour de remontrer au roi quel droit il avait à la couronne de France. Et le roi y entendait volontiers. Préparatifs et début de la guerre. Et cependant, Philippe VI, insoucieux, songeait à la croisade. À Melun, le 25 juillet 1332, il avait pris la croix comme Saint-Louis. Le pape Benoît XII lui avait confié le commandement de l'expédition. À Avignon, où le roi était venu avec la cour, la croix était en si grande fleur de renommée qu'on ne parlait, ne devisait d'autre chose. Le roi d'Angleterre faisait d'autres projets qui allaient bientôt troubler la croisade. L'assistance de Robert d'Artois n'avait pas été vaine. Édouard III ouvrit les oreilles et se réveilla. Au début de 1337, à une grande réunion de son parlement à Westminster, le roi, assis en pontificalité, la couronne en tête, annonça l'intention de réclamer la couronne de France à laquelle il avait droit. Henri de Lancastre, au Torcol, lui répondit pour l'assemblée qu'il fallait laisser cette besogne en souffrance, est négociée auparavant pour prendre conseil et chercher des alliances. Une campagne diplomatique commença aussitôt. Des négociations furent entamées avec l'empereur Louis de Bavière et plusieurs seigneurs allemands. À Valenciennes, les envoyés anglais tinrent un véritable marché où chaque prince vint offrir quelques centaines d'aunes d'armes pour quelques milliers de florins. Philippe VI riposta. Il y avait toujours quelques difficultés pendantes devant le Parlement pour la Guyenne et autres domaines anglais du continent. Il ne fut pas difficile de trouver un prétexte. Un château de Gascogne, puis Mirol, fut mis en la main de Philippe VI à la requête d'un chevalier créancier d'Édouard III. Le débat s'envenimant, la saisie des possessions anglaises fut prononcée au nom du suzerain pour cause de forfaiture et dès le milieu de 1337, l'exécution commença. Bordeaux est menacé. Des hommes d'armes sont réunis en Picardie. Des marins génois et normands parcourent la Manche. À l'automne, la situation se précise. Au mois d'août, Édouard III avait écrit au shérif du royaume pour leur annoncer la guerre prochaine. Le 7 octobre, il affirmait ses titres et droits et se reconnaissait lui-même comme maître légitime du royaume de France et héritier de Charles le Bel. Enfin, le 1er novembre, un défi daté du 19 octobre est présenté au roi de France au nom d'Édouard III. « Évêque, répondit Philippe VI à l'ambassadeur, vous avez bien fait ce pourquoi vous êtes si venu. À ces lettres ne convient point rescrire. Vous pouvez partir quand vous voulez. » Quelques jours après se livrait le premier combat de cette guerre. L'île de Cadzante commandait le port de l'Écluse, l'entrée de la Flandre. Le comte Louis de Nevers l'avait fait garder par ses plus braves chevaliers. Pour rouvrir à ses troupes comme à ses ambassadeurs un passage si utile, le roi d'Angleterre fit attaquer et occuper l'île. Ce premier combat fut aussi pour lui la première victoire. Affaires de Flandre. Ce furent les affaires de Flandre qui commencèrent la Grande Guerre. Les villes flamandes firent cause commune avec l'Angleterre. Depuis un demi-siècle, les rois de France n'avaient pas ménagé ces communes. Le comte Louis de Nevers était peu aimé. On lui reprochait de vivre à la cour de France, d'être un vassal trop obéissant, trop docile. En 1336, méconnaissant les vrais intérêts du comté, il avait fait arrêter tous les Anglais établis en Flandre. Or, c'était vers l'Angleterre que se tournaient les préférences et les intérêts des Flamands. Le 5 octobre 1336, par représailles, Édouard III fit saisir les marchands flamands de son royaume et confisquer leurs biens. Il interdit l'exportation des laines. Ce fut en Flandre une misère infinie. On s'en prit au comte et à son protecteur, le roi de France. À Gand, qui est la ville où l'on drape le plus, les ouvriers oisifs se réunissaient, parlaient vilainement ainsi que communes gens ont usage de plaider et parler sur la partie du comte Louis. On disait que le commun profit était l'accord avec le roi d'Angleterre. C'est alors qu'on commença à parler d'un brasseur de miel, Jacob, ou Jacques van Atterveld, dont on vantait l'esprit avisé et hardi. Le 26 décembre 1337, 500 bourgeois de Gand vinrent le prier de leur faire aumône de bons conseils et de leur prêter secours dans leur pauvreté. Il accepta et, le 28 décembre, tint un grand meeting. Là, il prêcha bellement et sagement. Son opinion, acceptée de tous, était qu'il fallait arriver à conclure une alliance commerciale avec le roi d'Angleterre, sans rompre cependant le lien féodal avec la France, se rapprocher de l'une sans se brouiller avec l'autre. Dès lors, Arteveld fut le seigneur de Gand, capitaine général de la ville, bientôt accepté comme mentor politique par toutes les villes, de Bayeul à Termonde. En vain, le roi de France et le comte cherchèrent à l'amener à eux. Il était trop tard. Le comte même abandonna son comté. Pour Arteveld, une question dominait toutes les autres par son urgence. Faire rentrer la laine en Flandre. C'était le but unique des alliances fortes et grandes qu'il recommandait. À cet effet, il alla à Londres avec deux députés de chaque bonne ville. Il fut admirablement reçu et obtint plein succès, sans s'engager au-delà d'une neutralité bienveillante. Aussitôt, juin 1338, la mer fut rouverte et vinrent les laines en Flandre. Tous ces faits étaient très inquiétants pour Philippe VI. À ce moment, la guerre était déjà déclarée entre France et Angleterre. Édouard III débarquait sur le continent en août 1338. Hartevelt et les députés flamands vinrent devant lui protester de leur affection, mais aussi de leur neutralité. Édouard III, un peu surpris de cette froideur, s'en alla en Allemagne, rappeler les promesses des seigneurs et réveiller leur zèle. À Koblenz, il trouva Louis de Bavière, l'empereur, hostile à la France, parce qu'il était excommunié du pape d'Avignon. Là, le 5 septembre 1338, vêtu en manière de prêtre, tout étoffé des armes de l'Empire, mitre en tête, le globe d'or en main, l'empereur déclara Édouard III son vicaire et lieutenant. Chef de toute souveraineté, il lui garantit le royaume de France. Il ne restait plus qu'à combattre. Ce fut long. Les alliés ne se mettaient pas en mouvement. Enfin, l'armée anglaise fut prête en juillet 1339. Depuis un an, Philippe VI faisait de grands préparatifs. Il n'y avait qu'hommes d'armes en Picardie. De tout cela, il ne résulta rien. Le roi de France était très supérieur en force. Mais retardé par un vendredi, puis par les craintes du roi de Sicile, grand astronomien, il laissa Édouard III se retirer. Ce n'était honorable ni pour l'un ni pour l'autre. Édouard III ne voulut se risquer l'année suivante qu'avec l'alliance effective des Flamands. Hartevelt avait des scrupules. Il trouva un moyen équivoque de les apaiser. « C'est, dit-il au roi anglais, que vous vouliez enchâsser les armes de France et écarteler d'Angleterre, et vous appeler roi de France, et nous vous tiendrons pour roi, et obéirons à vous comme au roi de France. Par ainsi serons-nous absous. » Le roi d'Angleterre, après quelques scrupules, se décida. La chose en valait la peine. L'alliance fut signée, les armes prises à un grand parlement, à Gand, le 25 janvier 1340. Les Flamands avaient dépassé leur premier but. Entraînés au-delà de leurs intérêts économiques, ils poursuivaient maintenant l'indépendance. Ils furent un peu troublés par l'excommunication de Clément VI. Mais, d'Angleterre, Édouard III leur manda que la première fois qu'ils repasseraient, il leur mènerait prêtre de son pays, qui chanterait messe en Flandre, voulu le pape ou non. Il appareilla, en effet, le 22 juin 1340. Arrivant à la côte, il trouva une flotte française devant l'écluse. Philippe VI s'était efforcé d'organiser sa marine. Il avait réquisitionné des navires normands, installé le Clos des Galets à Rouen, neulisé à grands frais des vaisseaux étrangers. Il avait donné ordre à ses amiraux Hugues Kyriette, Doria, Nicolas Béhuchet, que nullement laissassent le roi Édouard prendre pied en Flandre, et si par leur coulpe en demeurait, il les ferait mourir de mal mort. Les Français avaient l'avantage du nombre, mais les chefs ne s'entendaient point. La bataille fut dure et forte. Le soir, l'arrivée des vaisseaux flamands décida la victoire des Anglais. Kyriette périt dans le combat. Béhuchet fut pris, attaché à une poulie, pendu à un mât et étranglé. Le roi de France s'apprêta à prendre sa revanche sur terre. Les ennemis étaient très forts. Hartevelt avait organisé une sorte de confédération des Pays-Bas, avec parlement et cour de justice. 60 000 Flamands étaient en armes. Il n'y eut rien. Les opérations furent insignifiantes. Édouard III ne put prendre Tournai. Une sainte femme, la comtesse de Hainaut, sortit du cloître pour faire cesser les hostilités. Quelques succès des Français du côté de la Guyenne, un soulèvement des Écossais, rendirent l'accord plus facile. Le 25 septembre 1340 fut signée la trêve d'Espléchin. Édouard III avait échoué dans ses conquêtes, mais la Flandre restait forte et libre sous le gouvernement d'Hartevelt. La succession et la guerre de Bretagne. Il n'y avait eu guerre encore qu'en Guyenne et au nord du royaume. Désormais, les deux adversaires vont aussi se rencontrer en Bretagne. Cette guerre bretonne a été racontée en particulier par Froissart de la plus vive et de la plus pittoresque façon. Jean III, duc de Bretagne, est mort le 30 avril 1340. Il ne laissait qu'une nièce et un frère. La nièce était Jeanne de Penthièvre, la Boiteuse, mariée à Charles de Blois, cousin du roi de France. Le frère, Jean de Bretagne, comte de Montfort. La nièce représentant la ligne féminine sera soutenue par Philippe VI, arrivé au trône par l'exclusion des femmes. Le frère, représentant la ligne masculine, sera soutenu par Édouard III, qui réclame la couronne de France par le droit des femmes. L'héritage ainsi disputé est la Bretagne entière et la vicomté de Limoges. La Bretagne était un pays solitaire, sauvage, avec une race forte, pieuse et poétique, une féodalité nombreuse, très puissante, aimée de ses vassaux. On y distinguait déjà deux parties, la Bretagne française, là seront les partisans de Charles de Blois, la Bretagne bretonnante, là sont les partisans de Montfort. Jean de Montfort prit les devants. Aidé de sa femme, l'énergique Jeanne de Flandre, il s'attribua le titre ducal à Nantes et s'empara d'une partie du duché. Mais aucun seigneur de l'Est ne le reconnut. Jean avait besoin d'un allié. Il partit brusquement pour l'Angleterre, trouva le roi Édouard à Windsor et lui offrit l'hommage moyennant son secours. Ce n'était pas chose à refuser. Le roi anglais ne pouvait avoir plus belle entrée en France. L'hommage fut prêté, de foie, de main et de bouche. Cependant, d'autre part, les seigneurs de la Bretagne française étaient venus trouver Charles de Blois. Ce Charles de Blois était un curieux personnage qui méritait des fidélités sans bornes. Dans la suite de la guerre, prisonnier à Londres pendant 9 années, on venait le voir comme en pèlerinage. On l'a appelé un bigot sanguinaire, on l'a accusé de lâcheté et d'autres choses encore. Il était extrêmement pieux. On disait qu'une fois, sa prière ardente avait retardé la marée. Son père se plaignait de le voir rêvasser sur les bouquins. Il était brave aussi. À la Roche de Rien, il reçut 17 blessures. Il était humble, aimable et gracieux avec les petits. Par certains côtés, il rappelait Saint-Louis. Charles de Blois porta l'affaire de la succession devant le roi de France, son cousin, qui réunit la cour des pairs en parlement. Jean de Montfort, cité, vint en grand appareil, puis repartit sans attendre la décision. Il fit cependant comparaître près de 100 témoins en son nom. Le 7 février 1341, arrêt fut rendu qui reconnaissait Charles de Blois comme duc de Bretagne. Le roi mit à sa disposition de l'argent et des hommes d'armes. Il lui adjoignit même son fils aîné, Jean de Normandie, pour conquérir son duché. Ainsi commença la guerre. Elle fut longtemps indécise, de 1341 à 1364. Chose curieuse, pendant ce temps, les chefs des deux parties furent le plus souvent absents, Charles de Blois pendant 15 ans, Jean de Montfort pendant 19, et l'acharnement ne fut pas moins grand. Dès le début des opérations, Charles de Blois remporta de grands succès. Nantes se rendit, Montfort fut pris et remis au roi de France, qui le garda 4 ans prisonnier. Sa femme, Jeanne de Flandre, soutint sa cause sans défaillance, servie par quelques seigneurs avec un dévouement chevaleresque. Elle reçut des secours d'Angleterre et s'enferma dans le château fort d'Ennebon, au-dessus du Blavet. Assiégée, elle se défendit à merveille. C'est en combattant pour elle, à Vannes, à la tête des troupes anglaises, que Robert d'Artois fut frappé de blessures mortelles. À la Toussaint de 1342, Édouard III arrive lui-même, parcourt méthodiquement la Bretagne. Mais le duc de Normandie réunit à Angers une armée 4 fois supérieure. L'hiver est venu. Il fait froid. Les vivres sont rares. 2 cardinaux se présentent au nom du pape. Une trêve est conclue à Malestroit le 9 janvier 1343. Chacun resta chez soi. Cela devait durer 3 ans. Édouard III n'avait guère été plus heureux de ce côté que du côté de la Flandre. Fin de la section 6.